Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les lois Jim Crow ou l'époque pas si lointaine où la ségrégation raciale était légale aux États-Unis. À Montgomery, il n'y a pas de loi pour interdire de déjeuner ensemble dans un restaurant. Noir et blanc. D'avoir noir et blanc. Aussi, comme la cour ne pouvait pas nous condamner sur ce point, elle nous a condamnés pour avoir essayé de briser la paix et nous a condamnés les uns à 100 $ d'amende, les autres à 50 $. 50 ou 100 $ d'amende pour avoir mangé à la même table que des Noirs au restaurant. Cette jeune étudiante blanche, Jacqueline Devaux, raconte à Gérard Pelletier en 1960 son passage devant un tribunal de l'Alabama qui lui imposera donc une amende pour avoir défié le principe d'égalité dans la séparation, principe sur lequel reposeront les lois Jim Crow, ces lois qui rendront la ségrégation raciale légale aux États-Unis jusque dans les années 60-70. Des écoles pour les Blancs, d'autres pour les Noirs, des toilettes pour les Blancs, d'autres pour les Noirs, même chose pour les ascenseurs, pour ne nommer que quelques exemples. Époque pas si lointaine où la ségrégation raciale était légale aux États-Unis. Dans le sud des États-Unis, où l'esclavage est aboli officiellement depuis 100 ans, eh bien, aussitôt que ça a été fait, au lendemain de la guerre civile, les sudistes blancs partout dans le sud, ils sont arrangés de leur mieux pour leur établir l'esclavage officieusement. Derrière la doctrine, ils l'ont souvent proclamé « separate but equal », c'est-à-dire l'égalité dans la séparation. Et ensuite, barricadé derrière la version américaine de l'autonomie provinciale, parce que ça s'appelle là-bas les droits des États, et c'est également la juridiction à peu près complète sur l'administration des droits civils, sur l'enseignement, sur les règlements municipaux, tout ce qu'il faut pour organiser quelqu'un, si on veut. Eh bien, derrière ça, ils ont maintenu, évidemment, la séparation. Mais l'autre partie de la théorie, la légalité, ils en ont fait une sombre farce. Le droit de vote, par exemple, les Noirs en sont privés pour la plupart, ou s'ils osent le demander, ils sont intimidés, ils sont parqués dans des taudis la plupart du temps, leurs enfants dans les écoles les plus misérables. Et c'est ainsi qu'on peut dire que, tout compris, ben, ils n'avaient pas avancé dans l'ensemble de plus qu'un pouce ou deux depuis la fin de la guerre civile. Alors qu'eux aussi, c'est finalement la Deuxième Guerre mondiale qui est venue ébranler les barreaux de leurs cellules. Parce que par centaines de milliers pendant la guerre, des soldats noirs ont combattu et des ouvriers noirs ont travaillé dans les usines côte à côte, forcément, avec les Blancs. Et au lendemain de la guerre, les États-Unis, ben, ils se sont trouvés promus du jour au lendemain les chefs de file du monde libre. Ce qui fait que leur plaie de la ségrégation raciale, elle est étalée brutalement. Et alors, on peut dire à cause de ça qu'en quelques brèves années, la question noire américaine, elle a fait plus de bruit et probablement plus de progrès que pendant les 100 ans auparavant. Petit cours en accéléré sur le système de ségrégation raciale aux États-Unis. Une leçon offerte par René Lévesque, toujours journaliste à l'époque, à l'émission Premier Plan en 1960. L'historien André Champagne est avec nous. André, bonsoir. Bonsoir, Jacques. René Lévesque en parle dans l'extrait, puis on y reviendra un peu plus tard, nous deux, dans l'émission, de ce tournant de la Deuxième Guerre mondiale qui va mener à de grands changements dans les années 50-60. Mais pendant un siècle, André, de la fin de la guerre de sécession entre le Nord et le Sud aux années 60, il va exister aux États-Unis un système de ségrégation raciale, non seulement tolérée, mais légale. Comment est-ce que ça a été possible dans la mesure où l'esclavage est aboli en 1865? La Constitution américaine fait des Noirs des citoyens à part entière dès 1868. Que se passe-t-il, diable, André, après la guerre de sécession? Bien, c'est qu'il faut remonter à 1865. Les Noirs ont été émancipés. Les Noirs des États sécessionnistes ont été émancipés le 1er janvier 1863. Tous les autres qui appartenaient aux États dits frontaliers ont été émancipés au printemps 1865, juste quelques temps avant que Lincoln meure. Mais le problème, c'est qu'on leur accorde la liberté, mais on ne leur donne strictement rien. On devait, en principe, leur accorder chacun 40 acres de terre et une mule, donc un âne. Mais cette promesse-là n'a pas été tenue, réalisée. Ouais. Conséquemment, on a littéralement livré les esclaves libérés à leurs anciens grands propriétaires noirs qui les ont tout simplement réduits dans un système de péonnage où ils étaient tout simplement des travailleurs agricoles qui avaient droit à une parcelle de la grande plantation et qui travaillaient pour ces anciens maîtres-là qui imposaient les règles du jeu sur le plan économique, qui imposaient le loyer, qui déterminaient quel montant d'argent il a donné pour leur école. Donc, on a d'une certaine façon, on a maintenu une espèce d'état d'esclavage. Et ce qui est arrivé également, c'est qu'à partir des années 1880, quand ce que les Américains ont appelé la fin de la Reconstruction, à partir des années 1880, l'ancienne classe dirigeante blanche qui avait qui contrôlait les sociétés sudistes au moment de la guerre de sécession se sont tout simplement rétablis au pouvoir et là ils ont commencé à institutionnaliser la ségrégation. Il y a eu des codes noirs, on appelait ça comme ça. Oui, c'est-à-dire que ces codes noirs là on les a tout simplement éradiqués, mais on a changé les constitutions des États pour justement organiser une espèce de développement séparé, un peu comme ce qui va arriver en Afrique du Sud au 20e siècle. Mais toujours est-il que ce qu'il faut voir, c'est que pour interdire aux Noirs de monter dans l'échelle sociale, dans l'échelle économique, on va légiférer comme par exemple, les Noirs avaient le droit de vote de 1865 jusqu'au début des années 1880, mais pour les priver de leur droit de vote, on va instaurer dans certains États du Sud ce qu'on appelait la loi du grand-père, qui disait que si un Noir, son grand-père, n'avait pas le droit de vote, automatiquement, cet individu-là est privé de son droit de vote. Comme la plupart des Noirs des années 1880, leur père ou leur grand-père étaient des anciens esclaves, du jour au lendemain, ils se retrouvent privés de leur droit de vote. Donc, une disposition, mais ça monte l'esprit. C'est un très bon exemple. En principe, il n'y a pas de discrimination. Pour avoir droit de vote, il faut que son grand-père ait eu droit de vote. Exactement. Mais évidemment, du jour au lendemain, ils sont exclus. Et cette exclusion-là, dans les États du Sud, elle sera maintenue jusqu'au passage du Voting Rights Act par le président Lyndon Johnson et le Congrès à l'été de 1965. Ouais. Donc, c'est pratiquement pendant un siècle que les Noirs sont privés de leur droit de vote dans les États du Sud. Puis il y a d'autres, dans ces dispositions légales, il y a des lois, donc les États du Sud qui refusent finalement le résultat de la guerre de sécession. Tout simplement. Et qui font des lois locales. Il y a des lois locales comme par exemple, un Noir qui n'a pas d'emploi officiel, il est automatiquement accusé de vagabondage. Conséquemment, il passe devant un tribunal, il est condamné et... Étant donné qu'un Noir a été condamné pour vagabondage, on va tout simplement, l'État ou la municipalité va tout simplement le louer à des entrepreneurs forestiers, miniers ou agricoles pour travailler. Donc, d'une certaine façon, d'ailleurs, il y a un documentaire qui a été fait sur cette question-là qui s'intitule « Slavery by another name », l'esclavage par un autre nom. C'est une pratique qui va se développer dans tous les États sudistes et qui sera maintenue jusqu'au milieu des années 30 quand le gouvernement Roosevelt légiféra contre ces mesures-là. En 1883, les juges de la Cour suprême disent ceci. « Les juges restreignent encore plus l'application du 14e amendement en affirmant qu'il interdisait la discrimination raciale aux États, mais pas aux individus. » Le 14e amendement interdisait la ségrégation. Sauf que les juges disent oui, au niveau des États, mais les individus, eux, peuvent pratiquer la ségrégation. Puis il y aura toute une théorie, André, puis la Cour suprême va donner son aval à ça. Puis, parce que je l'évoquais au tout début de l'émission, puis on entendait cet extrait de cette Française, Jacqueline Devaux, qui est mise à l'amende parce qu'elle mange à la même table que des Noirs dans un restaurant. Il y a toute cette théorie de la séparation égale, mais séparée, là. Égale, mais séparée. C'est-à-dire que c'est le fameux arrêt de la Cour suprême de 1896 qu'on appelle l'arrêt Plessy contre Ferguson, qui approuve la mise à la disposition des deux races d'installations et de services séparés mais égaux et ajoute que si les Noirs voient dans ce système un stigmate d'infériorité, c'était uniquement parce que la race de couleur choisissait de le voir ainsi. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'à la fin du 19e siècle, le racisme dit scientifique est enseigné dans les universités européennes et nord-américaines. Ouais. Donc, on institutionnalise le racisme et on croit vraiment qu'il y a des races inférieure, en l'occurrence, les Noirs. Et aux États-Unis, on va pousser cette logique-là jusqu'à dire qu'il faut éviter le plus possible les contacts entre les Blancs et les Noirs. Pour quelle raison? Parce qu'on prétend que les Noirs ont une nature bestiale et que conséquemment, le contact rapproché entre Noirs et Blancs est dangereux. Et ça va donner des écoles pour Blancs, écoles pour exactement, Noirs. Exactement. Des parcs toilettes. Publics, les restaurants. La vie séparée. Et ça va demeurer ainsi dans le Sud jusqu'en 1964 où le président Johnson, encore une fois, fait voter le Civil Rights Act qui interdit officiellement, du moins en principe, la ségrégation. Oui. Mais cette ségrégation-là, elle est institutionnalisée. C'est ça qu'il va avoir à l'esprit. Et ces lois-là, en fait, on les a appelées toutes ces lois des États, les lois de Jim Crow. Pourquoi? Pourquoi? Ben, parce que Jim Crow, c'est un personnage de roman de 1832 qui symbolisait justement un peu le côté bon enfant et un peu naïf des Noirs. Et dans le Sud, on en est venu à présenter les Noirs comme étant des Jim Crow. Et ces lois-là qui cherchaient à séparer les Noirs des Blancs sont devenues les Jim Crow. Et quand on parle du Sud du Jim Crow South. Le Jim Crow South, c'est le sud des années 1880 jusqu'au milieu des années 1960. Bon, il y a, au tournant du 20e siècle, ça va atteindre un paroxysme. Il y a ces lois-là qui continuent donc d'avoir cours. Mais il y a le lynchage, mais ça va être une période très sombre. Les lynchages, c'est une façon, c'est une méthode violente pour inculquer aux Noirs ce que les racistes sudistes appelaient la soumission et le respect. Les lynchages, on a compté 2000 lynchages entre 1880 et le début du 20e siècle. Et les lynchages, c'est une justice sommaire qui, dans la plupart des cas, impliquait un Noir accusé d'avoir violé une femme blanche. Le pauvre Noir, règle générale, n'avait même pas droit à un procès. Pourquoi? Parce que dans les villes ou les villages où ça se déroulait, quand la population apprenait qu'un Noir avait été incarcéré pour lynchage, on allait tout simplement des foules en colère, souvent encouragé par les autorités, allait chercher le Noir en question au pénitencier, au poste de police, au pénitencier, le sortait, le traînait dans les rues, le pendait à un arbre. Très souvent, on lui coupait les organes génitaux qu'on enfonçait dans sa bouche. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que la plupart des lynchages ont été photographiés. Et ce qui est incroyable de ces photographies-là, c'est de voir les Blancs qui assistent à ces scènes-là, qui rient et qui se réjouissent. Et dans certaines municipalités, on est allé jusqu'à annoncer dans les journaux rendez-vous à tel endroit, demain il y aura un lynchage. Bon, ça va commencer, René Lévesque l'évoquait, ça va commencer à changer avec la guerre de 39-45. Il y a des Noirs qui vont servir, entre autres. Puis la loi aussi, la Cour suprême, qui va commencer à renverser la dynamique. En 1954, jugement de la Cour suprême qui déclare inconstitutionnelle la ségrégation dans les écoles publiques. La Cour veut mettre fin aux écoles pour Blancs et aux écoles pour Noirs. Écoutez ce micro-trottoir à l'époque réalisé en 1962 dans un état du Sud, André Champagne. Hey, Mr. Jones, how do you feel about this idea of ending segregation in the Monsieur South? Jones, êtes-vous d'avis qu'on mette fin à la ségrégation? Je suis né dans le Sud. J'ai été élevé dans le Sud. C'est une idée qui ne me plaît pas. Je pense comme l'honorable sénateur Bilbo, il est contre. Il dit que les Noirs ont leur place, qu'ils y restent. D'ailleurs, ils ne sont pas tellement en faveur non plus. Des enfants? Trois. À quelle école vont-ils? À l'école catholique. Si on y admettait des Noirs, je retirerais les miens. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la ségrégation et de l'intégration, madame? Je pense que les Blancs et les Noirs devraient avoir chacun leurs écoles. Votre petite fille va-t-elle à l'école? À l'automne. S'il y a une petite Noire à côté d'elle en classe, qu'est-ce que vous allez faire? J'aimerais pas ça. Mais vous accepteriez? Non. Moi non plus. Je l'enverrai à l'école privée. On entend cette résistance. Vous l'évoquiez, c'est profondément ancré dans cette culture du Sud, ce sentiment de supériorité, résistance des gens, résistance des institutions. Il y a un jugement de la Cour suprême. En Arkansas, on va préférer fermer les écoles publiques. Pourquoi? Parce que plutôt que de les rendre mixtes. Parce qu'en 1957, un des high schools de Little Rock, la capitale de l'Arkansas, a été obligé d'admettre 10 jeunes étudiants et étudiantes noirs à la rentrée de 1957. Les parents des élèves blancs, de même que des blancs racistes de l'Arkansas et des États voisins, ont convergé vers cette école-là et ont tout fait pour empêcher les noirs de rentrer à l'école. Dieu merci, il y avait des caméramans de NBC, ABC, CBS qui couvraient la scène. Ces images-là ont choqué l'opinion américaine et pour assurer la sécurité de ces enfants-là, pour leur permettre d'entrer, le président Eisenhower a été obligé de faire intervenir la 82e division aéroportée qui devait assurer la protection de ces enfants-là. Donc, pendant un mois, chacun de ces 10 enfants-là était accompagné d'un soldat de cette division-là. Et au bout d'un mois, chacun de ces élèves-là et jusqu'à la fin de l'année était accompagné du moment où il entrait à l'école jusqu'à sa sortie. Imaginez. par un membre de la garde nationale. Ouais. Et c'est l'année suivante, justement, que le gouverneur de l'État, M. Forbes, a ordonné la fermeture des écoles publiques pour, justement, démontrer à ses concitoyens blancs que lui, il cherchait à maintenir la ségrégation. Rappelez-vous, Jacques, en janvier 63, quand le gouverneur de l'Alabama, George Wallace, prononce son serment d'entrer en fonction de gouverneur, il dit ceci: « Segregation now, segregation tomorrow, segregation forever ». Donc, c'était vraiment ancré. Et vous avez parlé de la décision de la Cour suprême de 1954 qui ordonnait la déségrégation. Sachez que 10 ans plus tard, seulement 1% des écoles blanches du sud des États-Unis avaient intégré les Noirs. Donc, ça a pris le vote du Civil Rights Act de 1964. Résistance très, très grande. En même temps, parce que c'est vraiment la charnière. Résistance très, très grande. Vous nous l'avez très bien décrit. Détermination aussi, ces enfants qui sont accompagnés, détermination de l'État à ce que les choses changent, avec un autre formidable exemple, celui, là on est au niveau universitaire, en 1962, l'exemple de James Meredith. Ce jour-là, on dénombra à Oxford, au Mississippi, 16 000 soldats de l'armée fédérale, 400 shérifs de l'État, 500 membres de la police locale. Plus d'hommes et de matériel qu'il n'en faut pour monter à l'assaut d'une forteresse. L'armée intervenait en force pour protéger les droits d'un seul citoyen. James Meredith faisait son entrée officielle dans la cité étudiante d'Oxford, où pas un seul noir n'avait pu pénétrer avant lui. Jim Crow, Don't You Know It's All Over Now, chante Nina Simone. Le vent tourne, André Champagne, finalement, dans les années 60. Vraiment, il y a des décisions qui vont suivre. C'est le gouvernement fédéral qui avait retardé son intervention pour une raison relativement simple. C'est que, en 1932, quand le président Roosevelt est élu, il est élu grâce à un appui massif des démocrates du Sud. Ce qu'on a appelé la fameuse coalition Roosevelt, qui va permettre aux démocrates de rester à la présidence sous Roosevelt, Truman et Kennedy, reposait donc sur un appui massif des démocrates du Sud. Sauf que ces démocrates du Sud, autant au Sénat qu'à la Chambre des représentants, ils étaient tous racistes. Et c'est pour ça que Roosevelt et Truman ont eu tellement peur de légiférer en faveur des Noirs, parce qu'ils savaient que s'ils légiféraient en faveur des Noirs, du jour au lendemain, le vote allait se déplacer. Et c'est tellement vrai que quand le président Johnson a signé le Civil Rights Act en 1964, il a dit à ses conseillers le jour même: le Parti démocrate vient de perdre l'appui du Sud pour les décennies à venir. La preuve, en 1968, à l'élection présidentielle de 1968, l'ancien gouverneur raciste de l'Alabama, George Wallace, il est candidat indépendant à la présidence et il va rafler 10 millions de votes. Et ce sont principalement des votes du Sud. Ouais. Et ça a permis justement la victoire du président Nixon. Et depuis justement le Civil Rights Act de 64 et le Voting Rights Act de 65, les démocrates ont réussi à avoir l'appui du Sud avec Jimmy Carter, qui était un ancien gouverneur de la Géorgie, oui, en 1976, et avec Bill Clinton, qui était un ancien gouverneur de l'Arkansas. Mais le Sud, depuis ces deux lois-là, a vraiment basculé pratiquement, systématiquement, dans le camp républicain. Oui. Pourquoi? Parce que ces lois-là, le Sud ne les a à peu près jamais pardonnées. Encore des vestiges, c'est oui. Fou. Un dernier extrait sonore, parce qu'on a beaucoup parlé du Sud, on n'a pas parlé du Nord, mais tout n'est pas parfait quand même dans le Nord. Un dernier extrait qui nous montre que le racisme, bien sûr, il est moins ouvert dans les États du Nord, il n'est pas institutionnalisé, mais il existe quand même. On écoute donc le témoignage d'une étudiante noire de New York en 1960. C'est plus facile de vivre pour un noir de vivre à New York. Ici, on peut, par exemple, et on ne peut pas dans le sud, et c'est une différence, on peut entrer dans les meilleurs hôtels, par exemple, on peut manger dans les restaurants les plus chics, on peut aller au théâtre, on peut aller dans les meilleures universités, mais de trouver un appartement, un bon appartement, assez convenable, de trouver un bon travail pour beaucoup de gens, ça c'est quelque chose de différent. Et c'est les choses-là qui, évidemment, sont les plus importantes pour vivre, pour manger, d'avoir un bon travail et un appartement, une maison. C'est très parlant ce qu'on entend, André Champagne. Tout n'est pas parfait dans le Nord. Ben loin de là, loin de là. Puis la plus belle preuve, regardez les émeutes raciales des années 60, ce que les Américains appelaient les Long Hot Summers, qui ont commencé d'ailleurs à New York, à Harlem en 1964. Il y a eu Newark en 1967, au New Jersey. Il y a eu Détroit en 1967, qui a été épouvantable. Il faut se rappeler également une grande marche que Martin Luther King avait essayé d'organiser dans un quartier blanc de Chicago en 1967. Et il a été reçu avec des briques puis des pierres. Et, c'était ceux qui l'ont reçu comme ça, c'était des habitants originaires de la Pologne et de l'Italie. En 1974, à Boston, quand on a essayé de déségréguer le busing, quand on a organisé le busing pour transporter des élèves noirs vers des écoles blanches, ouais. Les Italiens de Boston et les Irlandais de Boston ont réagi vivement. On a même hué le sénateur Edward Kennedy. Et là, on parle de Boston en 1974. Ouais. Donc, il y avait un gros mythe aux États-Unis qui prétendait que le racisme était limité au Sud, mais il y avait autant de racisme au Nord, sauf que c'était un racisme au niveau de la ségrégation résidentielle. Qui n'est pas institutionnalisé, qui ne se trouve pas dans un cadre légal, mais qui existe dans la vie de tous les jours. Qui était bel et bien présent. Qui est probablement encore... L'extrait qu'on entendait de cette jeune étudiante noire date de 1962, mais André, au fond, on pourrait avoir un témoignage très similaire probablement encore aujourd'hui aux États-Unis. Oui, vraisemblablement. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, la violence policière contre les jeunes noirs. Oui. Qui est devenu un véritable problème de société. C'est clair que la question raciale hante encore les États-Unis. Oui. Celui qui pourra en témoigner une fois qu'il ne sera plus à la Maison-Blanche, c'est Barack Obama. Ça sera très intéressant de l'entendre à ce sujet-là. André Champagne, historien, collaborateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci beaucoup, André. C'était fascinant. Je vous en prie. Ben, merci. Merci à toute l'équipe, à la réalisation André Martineau, les recherchistes Caroline Morin et Marie Caillé, stagiaire à la recherche Caroline Desruisseaux, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Tania Gancheva. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, à la prochaine.